tête. Mais qui donc aurait pu prévoir mon attirance pour ces êtres d'orientation sexuelle classique? Je ne suis pas adepte de Sodome. La surprise devient totale.